إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui les frères on va parler du point qui le cheikh a expliqué c'est خروج الدابة la sortie de la bête qui va sortir de la terre pour parler aux hommes. Le cheikh il commence à mentionner un verset dans le Coran. Allah il dit, le cheikh il dit, ذكر الله خروج الدابة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou de nos versets. Il y a beaucoup d'interprétations au sujet de ce verset-là, et puis c'est ça qu'on va voir. Le cheikh il mentionne beaucoup d'exemples tirés des différents livres de tafsir au sujet de ce verset. Et puis, ce verset-là, il est dans Surat An-Naml, la fourmi, le Surat An-Naml, le verset 82. Le cheikh il dit, « قال الإمام ابن كثير رحمه الله في النهاية قال ابن عباس والحسن وقتادة تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جرير تخاطبهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون حكاه عن علي وعطاء. Donc le cheikh il commence en citant la parole de l'imam Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya et il dit وعليكم السلام ورحمة الله قال ابن عباس Ibn Abbas a dit, ainsi que Hassan et Qatada, ils ont dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Tukallimuhum, c'est-à-dire qu'il leur parlera, ça signifie qu'il va s'adresser aux gens. Et le chef il dit par la suite que Ibn Jarir al-Tabari, un autre mufassir, a dit que l'opinion correcte c'était que ça signifie qu'il va s'adresser à eux en disant la fin du verset, « les gens n'étaient pas convaincus de la vérité des signes d'Allah, de nos signes. » Donc, ça a été rapporté également par Ali, selon Ali et Atta. Par la suite, Ibn Kathir dit, « وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ » C'est-à-dire, il y a quelque chose à vérifier à ce sujet-là. C'est pas vraiment exact. Le cheikh est difficile à voir. Il faut vérifier à ce sujet-là. Et il continue à expliquer en disant, ثم قال وعن ابن عباس تكلمهم et تجرحهم بمعنى تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن وعنه تخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن جامع لهما والله أعلم. Donc Ibn Kathir il dit par la suite que selon Ibn Abbas, qu'est-ce que ça signifie تكلمهم؟ Et on sait que Ibn Abbas est toujours du mal au Coran, hein, Ibn Abbas, c'est lui qui est, que le prophète sallam a fait un dua pour lui, pour que Allah sallam lui donne la compréhension du Coran. Donc il explique et il dit que Tukallimuhum, ça signifie qu'il va marquer chaque personne et il va dire, par exemple, au croyant, il va écrire sur son front, croyant et le mécréant, il va écrire sur son front, mécréant, donc il va marquer chaque individu. Et en même temps, il va s'adresser à eux et il va les marquer en même temps. Donc, il dit cette position-là ou cette opinion-là, c'est l'opinion qui va englober qui englobe ces deux opinions-là ensemble. Voilà, la première qui disait que ça signifie de s'adresser, on vient, et la deuxième qui dit que ça signifie de marquer ou de désigner le croyant et le non-croyant. Et le chef dit « Wahu wa qawiyum », c'est une opinion qui est très forte et qui est bien et qui réunit ces deux opinions-là. Et il dit « Allahu a'lam », c'est-à-dire « Allah connaît mieux ». Il dit par la suite « وَقَالَ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ الدَّابَّةِ تَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَنْدَ فَسَادِ النَّاسِ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها فتكلم الناس الشيخ الذي ابن كثير également dit dans son tafsir au sujet de ce verset-là que cette bête elle va sortir vers la fin des temps alors que les hommes seront vraiment pervers ou corrompus, il y en a vraiment loin de la guidance des règles et des ordres d'Allah, et à un moment où ils auront déjà changé la religion de la vérité. Okay? Et Allah va leur faire sortir cette bête de la terre. Et certains ont dit que c'était de Mecca, et d'autres ont dit que c'était d'ailleurs. Et cette bête va sortir et elle va s'adresser aux hommes. Alors, le Cheikh dit, « وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى وقع القول عليهم اختلف في معنى وقع القول وفي الدابة. » Le Cheikh dit, en ce qui concerne la parole d'Allah صلى الله عليه وسلم qui a été traduite dans la traduction en français comme étant « et quand la parole tombera sur eux », le Cheikh il dit que les gens du tafsir ont différentes interprétations au sujet de la signification de waqa al-qawl, et la parole tombera, yani, ça a été interprété de différentes façons, et au sujet aussi de la bête également. Certains ont dit, faqila, ma'na waqa al-qawl alayhim, wajab al-ghadabu alayhim, qalahu qatada. Certains ont dit que waqa al-qawl alayhim, c'est-à-dire la colère doit tomber sur eux. Ok, ça a été rapporté par Qatada. Et selon Mujahid, حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. C'est-à-dire, Mujahid, qui était l'élève de, si je ne me trompe pas, qui était l'élève de Ibn Mas'ud, ou de Ibn Abbas, qui était l'élève de Ibn Abbas. Et bien, Mujahid, c'est un des élèves de Ibn Abbas. Il s'est assis avec Ibn Abbas pour apprendre l'interprétation du Coran. Et il l'a récité trois fois de suite au complet à Ibn Abbas, en l'arrêtant à chaque verset pour lui demander à quel sujet ce verset a été défendu et dans quelle occasion et pour qui. Donc, Ibn Abbas est une des personnes qui est plus savante, Mujahid est une des personnes les plus savantes dans le domaine du tafsir. Et il y a un des imams, si je ne me trompe pas, c'est l'imam al-Awza'i, qui a dit, si tu as un tafsir de Ibn Abbas, de Mujahid, alors ça suffit, yani. C'est ça? Barakallahu fik. Na'am. Donc, Mujahid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, yani, la parole s'est avérée, yani, sur eux, yani, véridique, yani, en ce qui concerne le fait qu'ils ne sont pas des croyants. وقال ابن عمر وابو سعيد الخدري ابن عمر وابو سعيد الخدري رضي الله عنهما ils ont dit eux اذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces deux sahabis-là? Ils ont dit, lorsqu'ils n'ont pas ordonné le bien et interdit le mal, eh bien, c'était nécessaire que, ou bien c'était obligatoire que la colère d'Allah les atteigne et tombe sur eux. C'est ce qui arrive lorsque les gens abandonnent le fait d'ordonner le bien aux gens et d'interdire le mal. Hein. Souvent, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, bon, moi, je fais pas le mal. Il y a des gens qui disent, moi, je fais pas le mal. Et puis, je fais pas le mal, et donc, je suis une personne de bien. Sauf qu'ils laissent les autres faire le mal. Et quand ils les voient faire le mal, ils ne leur disent pas que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Donc, en réalité, c'est une erreur. Il faut non seulement faire le bien pour soi-même et éviter le mal pour soi-même, mais en même temps, il faut appeler les autres au bien et interdire aux autres le mal selon les règles et les conditions qu'on a appelées et qu'on a expliquées, et qu'on a expliquées plusieurs fois, c'est-à-dire d'avoir la sagesse, d'avoir la douceur et d'avoir de voir que le mal qu'on veut empêcher ou interdire ne va pas amener un mal qui est plus grand que celui qu'on essaie d'enlever ou de changer. D'accord? Donc, en respectant ces conditions-là. Par la suite, le chef, il donne un autre exemple. Il dit, وقال ابن مسعود, عبدالله بن مسعود, وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. Ibn Mas'ud, lui, il a interprété ça comme signifiant que lorsque la parole tombera, c'est-à-dire lorsque la mort des savants arrivera, lorsque les savants vont commencer à mourir, et que la science va commencer à disparaître. C'est ce qui va arriver vers la fin du temps. C'est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que vers la fin du temps, les savants vont mourir et la science sera, disparaîtra lentement. Et puis, même le Coran va être ramené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il va disparaître de la terre en entier. Le chef il dit par la suite, فكيف بما إذ قال عبد الله أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع. عبد الله il a dit, عبد الله بن مسعود il a dit, lisez souvent le Coran, lisez beaucoup le Coran continuellement avant qu'il soit ramené vers Allah سبحانه وتعالى, relevé vers Allah سبحانه وتعالى. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال. نعم قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يقع القول عليهم. Donc, le chef, il dit que, il continue la citation encore une fois de Abdullah bin Mas'ud, il dit que, les masahif qu'on a les livres avec le Coran, qu'on a écrit le Coran dedans, les livres du Coran vont être effacés. Les lèvres qui sont dedans vont s'en aller. On va ouvrir le livre, et puis il n'y aura plus aucune lèvre dedans. Allah va effacer complètement le Coran de tous les livres. Et donc, il a dit, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de qu'est-ce que les hommes vont avoir dans leur cœur, même qu'est-ce qu'ils vont mémoriser va être enlevé également. D'accord? Donc, il n'y a plus rien qui va rester sur la terre du Coran. Et ça, c'est vers la fin du temps, vers la fin des temps. Vraiment proche de la fin du monde. Et les gens vont dormir et pendant la nuit, tous les masahib vont être relevés, le Coran va être ramené à Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens vont même oublier La ilaha illallah. Et les gens vont commencer à répéter les paroles de la période de l'ignorance, al-jahiliya. Et lorsque cela va se produire, les paroles de l'ignorance, c'est ce que les poésies de la période de l'ignorance, c'est-à-dire avant l'islam, la période pré-islamique, Et puis, ça, quand ça, ça va se produire, c'est là que la parole d'Allah tombera sur eux. ثم ذكر أقوالا أخرى في معنى وقع القول عليهم ثم قال قلت وجميع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد والدليل عليه آخر الآية أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الشيخ يجي par la suite il a continué à mentionner d'autres exemples de la signification du début du verset وقع القول عليهم puis il a conclu en disant toutes ces paroles-là qui ont été rapportées au sujet de ce verset-là, lorsqu'on médite bien sur le sur ce que ça signifie, eh bien, ça revient tout à un seul et même sens. Ça a tout un seul et même sens. Et par la preuve de ça, c'est la fin du verset qui dit que les gens n'étaient pas convaincus, ne croyaient pas avec conviction au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset qui dit « أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » قل أن الناس لفتح الهمزة لفتح الهمزة وفي صحيح أن peut-être parce que dans peut-être d'autres citations ça se lit إن الناس puis dans d'autres أن ça change légèrement la signification. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافا كثيرا وقد ذكرناه في كتاب التذكرة انتهى كلامه الشيخ يكتب par la suite ça c'est l'imam al-Qurtubi continue et il cite une parole de l'imam un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم apporté par l'imam muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه qui a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a trois choses que lorsqu'elles vont sortir et bien aucun âme ne pourra ne pourra profiter de croire à ce moment-là, yani, si elle n'avait pas cru auparavant. Ou, yani, elle ne pourra pas non plus profiter d'un acte, d'une œuvre qu'elle va faire, si elle ne le faisait pas, un acte de bien, si elle ne faisait pas ça déjà auparavant. Et ces trois signes-là, c'est la première. C'est le fait que le soleil se lève de l'Occident, et c'est-à-dire de son coucher. Le soleil se lève de son coucher. Le Dajjal et la bête qui sort de la terre. Ce sont trois choses que le prophète a enseignées dans ce hadith et qu'il a dit à leur sujet que la personne qui n'a pas cru avant que ces choses-là se produisent, eh bien, ça ne lui servira plus à rien. À ce moment-là, de dire qu'il est croyant ou de croire, parce qu'il sera trop tard. C'est comme un sort de deadline, une limite, un terme que Allah a déterminé pour dire ça y est. Une fois que ces signes-là sont arrivés, eh bien, quelqu'un ne peut plus dire après ce moment-là, maintenant je crois. Parce que ce sera déjà clair que c'est la fin du monde et les gens n'auront plus de raison d'avoir un doute. Parce que les choses seront déjà placées devant eux. Donc la personne qui n'était pas sur le droit chemin, qui n'était pas obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'était pas croyant à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, eh bien, il sera trop tard pour ce genre-là. Le chef, il continue par citer en citant un autre hadith. J'ai pas terminé. Le chef, il dit, il y a eu une divergence d'opinion au sujet de quelle sorte de bête, quelle est cette bête qui va sortir, elle est comment, sa description, et où est-ce qu'elle va sortir. Donc il y a eu beaucoup de divergences à ce sujet-là, et le chef, il mentionne, l'imam al-Qurtubi, il dit qu'il a mentionné ça dans son livre qui s'appelle « At-Tazkira ». Donc, ça c'est un de ses livres qu'il a écrit, et c'est un livre qui parle de tous les événements qui vont se produire vers la fin des temps. Hein. Donc, il parle du paradis, de l'enfer, de la mort, des signes du jugement dernier, tous ces événements. Hein. C'est un très, très bon livre. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Al-Qurtubi. À la suite, le cheikh Al-Fawzan continue en citant des hadiths qui parlent de ce sujet-là. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث حديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قيل دي للنبي صلى الله عليه وسلم دي يعني نو باردون للنبي صلى الله عليه وسلم le sahabi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a trouvés alors qu'ils étaient en train de se rappeler entre eux d'un sujet yann. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de quelle chose êtes-vous en train de vous rappeler entre vous, et le prophète les sahabi ont dit on est en train de nous rappeler de l'heure, c'est-à-dire la fin du monde, la fin des temps, le jugement dernier yann. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne viendra pas tant que, que vous verrez avant elle 10 signes. Et parmi ces 10 signes qu'il a mentionnés, il a mentionné Adabba, c'est la bête qui va sortir de la terre, qui va parler aux gens. Rawah l'imam Ahmed wa Abu Dawud, il a été rapporté par plusieurs, et par la suite, il mentionne un autre hadith rapporté selon Muslim qui dit « Wali Muslim, le hadith al-Ala, ibn an-Abihi, an-Abi Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال « Badiru bil-a'mal sittan, tulu' al-shams min maghribiha, wad-dajjal, wad-dabba » al-hadith. C'est un autre hadith rapporté selon l'imam Muslim qui dit que Allah a rapporté ça selon son père, selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dépêchez-vous de faire les œuvres avant six choses. Et il a mentionné, en commençant par, en disant, le soleil qui se lève de son coucher, la sortie du Dajjal et la sortie de la bête. Et ça c'est, par la suite il a mentionné d'autres. Mais le point c'était pour montrer que la bête est mentionnée parmi ces signes. Le chef il mentionne un autre hadith encore une fois rapporté par un musulman qui dit, selon Qatada, an al-Hasan, an Ziyad ibn Abi Rabah, an Ziyad ibn Rabah, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال badiru bil a'mal sittan, al-Dajjal, wal-Dukhan, wa dabbat al-Ard. Donc c'est presque la même chose que l'autre hadith qu'on a lu précédemment, excepté une différence, c'est qu'il a commencé par dire Ad-Dajjal, et la fumée, une fumée qui va sortir vers la fin du temps, et il a mentionné également la bête qui va sortir de la terre. Il mentionne un autre hadith encore une fois rapporté par Muslim, rahimahullah, qui dit « Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba » حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس دحا فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثر قريب. Donc ça c'est un autre hadith rapporté par l'imam Muslim. Selon Ibn Abi Shayba, qui a dit que Mohammed ibn Bishr nous a dit que Abi Hayyan a dit selon Abi Zura, selon Omar, selon Abdullah ibn Omar, qu'il a dit, j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith que je n'ai pas encore oublié. Je l'ai entendu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, les premiers signes qui vont apparaître sont le lever du soleil de son coucher, la sortie de la bête qui va sortir vers les hommes, Doha, c'est-à-dire dans la matinée, et n'importe quel d'entre ces signes-là qui sort, sachez que l'autre va suivre très très près. Donc, automatiquement, c'est un de ces signes-là qui va apparaître, et bien les autres vont sortir également de très très près, ils vont se suivre collés. Hein. Il n'a pas mentionné ici la fumée, mais dans l'autre hadith, il a mentionné la fumée, celui qu'on a mentionné juste avant. Puis le chef, il continue, il dit, on parle de Moukassir, Moukassir a dit, أي أول الآيات التي ليست مألوفة نعم وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك كذلك خروج يأجوج ومأجوج وكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة أما خروج الدابة على شكل غير مألوف ومخاطبتها للناس واسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها مألوفة أول الآيات السماوية على خلاف عاداتها المألوفة أول الآيات السماوية انتهى كلامه الشيخ البعض يدون السيطاتيون للإمام ابن كثير كي نكلاريفي un point intéressant ici qui dit que les premiers, ça c'est les premiers signes qui ne sont pas qui sont disons extraordinaires ou qui sont hors de l'ordinaire parmi les signes de la fin des temps. C'est-à-dire que yani, le chef il dit, parce que si on regarde la sortie du Dajjal et la descente de Isa, c'est-à-dire de Jésus, fils de Marie, du ciel, ça et la sortie de Ya'juj wa Ma'juj, toutes ces choses-là sont des choses qui sont quand même ordinaires, dans le sens que ce sont des hommes qui vont venir, c'est pas des choses en dehors des êtres humains. Et donc, c'est des choses qu'ils ont déjà vues et qu'ils ont déjà connues, hein, mais c'est pas quelque chose totalement différent. Tandis que la sortie de la bête, une bête qui sort de la terre et qui a une apparence ou une forme qu'ils n'ont jamais l'habitude de voir, ça fait partie des choses vraiment pas habituelles et pas ordinaires. Et elle sort et elle commence à parler aux hommes et elle commence à les marquer, yani, en ce qui concerne la foi et la mécréance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui vient totalement hors de l'ordinaire, et ça c'est parmi les premiers signes qui sortent de la terre, parmi les signes de la fin des temps, tandis que le soleil qui se lève par son coucher, ça c'est aussi totalement différent de ce que les gens connaissent habituellement. Si on s'est habitué, que le soleil se lève à l'est. Et là, on va le voir se lever à l'est, à l'ouest, donc ça va être totalement différent, et quelque chose qu'on n'aura pas habitude, qu'on n'a pas l'habitude, on ne peut même pas imaginer que quelque chose comme ça arrive tellement qu'on est habitué de le voir se lever à l'ouest. Ça, en même temps, ça vient de faire réfléchir, hein, parce que ça, c'est, le cheikh dit ça, c'est parmi les premiers signes du ciel, le premier signe de la fin du temps qui arrive dans le ciel. Ça c'est la fin de la situation. Mais ça me fait réfléchir parce que subhanallah, les kuffars ils ont dit que bon, certains parmi eux disent que l'univers fonctionne selon des lois, puis c'est ça, tout est calculé, contrôlé, et qu'il n'y a rien qui peut sortir de ces lois-là. Et quand je leur demandais souvent qui a établi ces lois-là, hein, qui a établi ces lois, et eux, ils ne peuvent pas répondre à cette question, hein. Parce que selon eux, elles sont là, puis c'est tout. On ne se pose pas de questions pour savoir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Donc, quand on regarde ça, on voit que maintenant, Allah, une fois j'avais répondu à un de ces personnages, je lui avais dit que toutes ces lois, elles ne peuvent continuer à fonctionner ou à exister uniquement parce que Allah il leur permet de continuer, parce qu'il veut qu'elles continuent de cette façon. Mais lorsqu'il décide demain ou n'importe quand que ça doit cesser et que ces lois-là ne fonctionnent plus, eh bien, il est capable de les arrêter à n'importe quel moment, d'accord? Parce que parmi certains des histoires, il y en a parmi les matérialistes, il y en a qui croient que Dieu dit par exemple que oui, on croit que Dieu il y a un créateur et que Dieu il a créé. Mais une fois qu'il a terminé de créer tout, c'est fini, il ne fait plus rien. Hein? Toutes les choses fonctionnent par elles-mêmes comme une sorte de machine, il n'a plus à s'occuper de quoi que ce soit. Et donc ça fait, on voit que c'est totalement faux, hein. Dans ce sens-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décider d'arrêter la terre, d'arrêter le ciel, d'arrêter les lois telles qu'on les connaît aujourd'hui, et faire fonctionner les choses d'une façon totalement différente. Et c'est ce qu'on va voir justement vers la fin du temps, lorsque Allah décidera que le soleil ne se lèvera plus à l'est. Et ça, c'était la preuve que Ibrahim a fait donner à Nimrod. Quand Nimrod lui a dit, Ibrahim a dit, c'est mon Seigneur qui fait vivre et qui fait mourir. Et le roi Nimrod a dit, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Il a fait venir deux personnes, il a ordonné qu'un d'entre eux soit tué et l'autre il l'a laissé vivant. Alors il a dit, regarde, je peux faire vivre et je peux faire mourir. Alors Ibrahim lui a répondu et lui a dit, ok, c'est mon Seigneur qui fait lever le soleil de l'Est. Alors toi, essaie de le faire venir par l'Ouest. Ça bouge, c'est le dit Kafar. Celui qui a cru a été bouche, il ne pouvait plus dire rien d'autre parce qu'il a compris que là, il n'était pas capable de répondre par quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est un des signes d'Allah SWT. Mais c'est pour montrer que c'est uniquement Allah SWT qui peut faire ce stage. Bon, le cheikh, il continue, il dit, « وَعَمَلُ هَذِهِ الدَّابَّةِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا تُسَمِّ النَّاسَ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَسُمِّ النَّاسَ » En tout cas, elle met un signe sur les croyants et sur les non-croyants. Donc ça va être parmi les actions de cette bête, et ça c'est rapporté dans des ahadiths. Le cheikh dit, « فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ فَيَرَى وَجْهُهُ فَيُرَى وَجْهَهُ فيرى وجهه كأنه كوكب دري فيكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء ويكتب بين عينيه كافر وفي رواية فتلقى المؤمن وتسميه في وجهه نكتة فيبيض لها وجهه وتسمي الكافر نكتة سوداء يسود لها وجهه ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار ويعرف المؤمن الكافر وبالعكس حتى إن المؤمن لا يقال أو لا يقول للكافر يا كافر اقدمي حتى. Donc c'est ça. Le cheikh il explique et il dit que en ce qui concerne le croyant, on va voir son visage comme une sorte d'étoile, yani, quelque chose de brillant, ou comme un soleil ou une étoile yani, qui brille. Et entre ses deux yeux, ce sera écrit croyant. Et en ce qui concerne le mécréant, eh bien, ça va être, il va avoir un point noir entre ses deux yeux. Et il va être écrit entre ses deux yeux quatre. Et dans une autre narration, le croyant, il aura une marque comme un point et ça va illuminer tout son visage. Son visage va devenir brillant. Et en ce qui concerne le kafir, il va avoir un point noir et ça va noircir totalement son visage. Et les gens donc vont continuer à faire les transactions, mais ils vont quand même être des partenaires dans ce qui concerne les affaires d'argent, des biens et tout ça. Ils vont continuer à se côtoyer dans les villes, mais le croyant va pouvoir voir le mécréant, puis le mécréant va pouvoir voir le croyant, c'est-à-dire il n'y aura plus d'hypocrite. Hein. Tout le monde va savoir qui est croyant, qui n'est pas croyant, et puis vice-versa. Et puis le croyant va dire au mécréant, oh toi mécréant, donne-moi mon droit, Yann. C'est-à-dire, les gens vont s'appeler par croyant et mécréant. C'est uniquement comme ça qu'ils vont s'appeler entre eux-mêmes. Amma sifatuha, en ce qui concerne la description de cette bête, ça y est, al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di, fi tafsirihi, هذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ولا رسوله يذكر ولم يذكر الله ولا رسوله لم يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها المقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس حين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين انتهى ففي اوكي دونك الشيخ ذكر en ce qui concerne sa description le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di était un des grands ulama et le cheikh de l'imam Muhammad ibn Uthaymeen, hein, il a dit dans son tafsir, cette bête, elle est bien connue, c'est-à-dire sa venue, elle est bien connue. Et elle sortira vers la fin du temps. Et ce sera un des signes de la venue de l'heure. Et il y a eu beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné sa description, comment elle va être cette bête. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé. Mais, donc, le chef il dit, ils n'ont pas décrit comment elle va être. Mais il a uniquement expliqué ce qui est nécessaire et le but, et pourquoi il faut en parler. Des choses nécessaires. C'était pas nécessaire de mentionner les détails de sa description. Donc, il est important de comprendre, par exemple, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné au sujet de cette bête. Mais cette bête, c'est que c'est un des signes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que cette bête va parler aux gens d'une façon qu'on n'est pas habitué à quelque chose d'inhabituel. Et que lorsque la parole tombera sur, elle va venir cette bête, lorsque la parole d'Allah Ta'ala tombera sur les gens. Et c'est lorsque les gens auront douté des signes d'Allah Ta'ala. Alors ce sera pour eux une preuve et une évidence pour les croyants et une preuve contre les non-croyants. نعم الشيخ يقول وقد انكر بعض المعاصرين خروج هذه الدابه واستبعدوا ذلك وبعضهم يؤولونها بتاويلات فارغه وليس لهم حجه في ذلك سوى ان عقولهم لا تتحمل ذلك والواجب على المؤمن التصديق والتسليم لما جاء عن الله ورسوله لأن هذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين وهذا ونسأل الله الهداية والتوفيق لمعرفة الحق والعمل به. Donc, il conclut le cheikh en disant que certains parmi les contemporains ont essayé de nier la sortie de cette bête. Et ils ont, comme s'ils ont essayé de dire que cette chose-là, c'est pas possible. Et certains d'entre eux l'ont interprété avec des formes d'interprétation totalement bidons, insensées. Et ils n'ont aucune preuve dans ce qu'ils ont fait de l'interprétation, excepté leur soi-disant logique, qui n'est pas capable de supporter les paroles à ce sujet, ils ne sont pas capables de le prendre. Mais le cheikh il explique et il dit que c'est obligatoire pour le croyant de croire et de se soumettre à ce qui a été amené par Allah, envoyé par Allah SWT, au messager, parce que ça fait partie de la foi en l'invisible. Et Allah SWT a glorifié dans son livre les gens qui croient en l'invisible. Madaha, madaha Allah, al-mu'minuna bihi. Il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lesquels Allah SWT glorifie ceux qui croient en al-ghayb. Allah SWT dit par exemple dans certains versets, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ dans surat al-Baqara, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Donc il dit ça, c'est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, c'est une guidance pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Et dans d'autres versets, Allah SWT dit dans le Coran, par exemple dans surat al-Mulk, il dit إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Donc c'est ça. Ceux qui craignent leur Seigneur بالغيب. C'est-à-dire ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc ceux-là ils auront لهم أجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. Ils auront un pardon et une grande récompense. Il y a beaucoup d'autres versets aussi dans lesquels Allah SWT nous incite à croire en al-ghayb. Et ça, c'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Tu ne peux pas croire en certaines choses et ne pas croire en le reste. Donc là, il y a un autre. Si vous voulez, on s'arrête ici. Sinon, on continue encore. Si on continue, ça va prendre encore peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être mieux de s'arrêter ici, puis on continue la semaine prochaine, Inch'Allah.